Thank you. chemin sera détour. C'est le roots que je m'annonce à la messe. Wow. Quelques milliards et le morceau change. Et les producteurs verront si l'échange. C'est les mêmes que je ramasse, même si ça me fait la peine. Je vais pas des masses, mais qu'est-ce que je donne moi-même? Je ne gagne pas des masses, qu'est-ce que je donne de moi? Sinon j'adore le foot depuis que je suis football. J'aime frapper dans la boule pleine balle, je la traîne que j'aille. La vie me fait bien.